Psaume 13. Psaume de David, donné au maître chantre. Éternel, jusqu'à quand m'oublieras-tu? Sera-ce pour toujours? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face de moi? Jusqu'à quand consulterai-je en moi-même, et affligerai-je mon cœur durant le jour? Jusqu'à quand s'élèvera mon ennemi contre moi? Éternel, mon Dieu, regarde, exauce-moi, illumine mes yeux, de peur que je ne dorme du sommeil de la mort. De peur que mon ennemi ne dise, j'ai eu le dessus, et que mes adversaires ne se réjouissent si je venais à tomber. Mais moi, je me confie en ta gratuité, mon cœur se réjouira de la délivrance que tu m'auras donnée, je chanterai à l'Éternel de ce qu'il m'aura fait ce bien.